encore bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette toute première émission de 2018 de Rock de Neurones. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures, durant lesquelles on va entendre Monarch Trail de Toronto, Satellite de Pologne, Damanek, qui est une formation multinationale. On aura Amarok de Pologne, Side the Mind de Montréal, Alan Simon de France, Bijoux d'Espagne, Anubis d'Australie et Crazy World de Finlande. Alors, tout un amalgame de chansons qui nous proviennent d'à peu près de tous les coins de la planète. Et on va débuter avec notre habitude à l'émission, c'est-à-dire qu'on consacre le premier bloc à l'album de la semaine. Et c'est Monarch Trail de Toronto qui va occuper le premier bloc cette semaine. Et Monarch Trail a paru leur deuxième album il y a quelques mois. Et c'est le deuxième, il s'intitule Send, et c'est un album qui est composé de 7 chansons, dont une très longue qui est de 24 minutes et demie, et l'album totalise 55 minutes et des poussières. Alors aujourd'hui, je vous propose la pièce titre de l'album Send. Calmly waiting, locked in place, I check again before I say goodbye. Bright and clear, there's every reason soon to be so many miles away. And all that I've learned can be forgotten in a moment. I'd still act an honor. Questions lost, variations, firing sequence set. In my pocket, everyone I've met. And not so long now, people towards a sister alone, finding. We'll machines have spoken. Lights out are red and cold. Cassie waves her spell and shows the way. Take my hand again. Hold on and find the wind. Thank you. Thank you. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est Monarch Trail de Toronto et la pièce titre de leur plus récent album, Send. Alors, après la pause, Satellite et Damanek. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on continue avec un groupe qui nous vient de Pologne. Ceux qui connaissent le groupe Satellite ou Satellite savent que c'est un groupe de musiciens qui a été formé suite à la dissolution de Collage, un groupe qu'on a entendu à l'émission à quelques reprises. Et Satellite a fait 4 albums studio entre 2003 et 2009. Et puis, ce qu'on vous propose, ben, c'est la pièce The Evening Wind, et c'est tiré de A Street Between Sunrise and Sunset. Ça, c'est leur premier album qui est paru en 2003. Et on va suivre ça avec Damanek. C'est une nouvelle formation qui est un collectif de musiciens assez connu qui tourne autour de musiciens de la formation de Tangent. Alors, on parle de Guy Manning ici et Dan Mash. On a Luke Machine aussi, le guitariste. On a Fido, et oui, Fido de Snowtorch, qui nous fait une prestation vocale sur cet album-là. Et on a plusieurs autres musiciens qui nous viennent de Unitopia et de United Progressive Fraternity. En plus une multitude d'autres chanteurs et musiciens. Alors, ça fait un album qui est très, très musical. Et je vous propose la pièce qui est extraite de cet album-là, qui s'intitule On Track, en fait. C'est la pièce, ben, c'est juste une petite seconde, la pièce qu'on va entendre, c'est Dark Sun. Alors, on débute avec Satellite. traffic haze. I'm heading home again. Another day is done. My tired eyes still shining. I'm sorry for all those who cry a bit longer, bit, and living life so incomplete. He speaks in silent metaphors and winning battles, losing wars again. just feel and find it. One day you'll take a chance, you'll find romance, but not today. Balance We cannot stay as we are. Suffocation, extermination. We cannot catch a breath. No clear horizons or path laid out to what comes next. Dark sun hanging in a dark sky over dark streets where the transport rumbles by. From else's sadness, someone else's pain, someone else's madness, lost within the haze again. And somewhere there's a home, home for us to find, no longer blind, no longer blind. But the light is growing dim, the clouds are crowding in. Breathe, just breathe and live. Somewhere there's a home, we'll no longer be on our own, crying in the night for second sight. Someone else's sadness, someone else's pain, someone else's madness, lost within the haze again. And somewhere there's a home, a home for us to find, no longer blind, no longer blind. In the night, transport rumbles by. Alors, vous venez d'entendre la formation Damanek. C'est un nouveau groupe composé de plusieurs musiciens qui sont de provenances diverses, là, un petit peu partout sur la planète, mais ça gravite autour de deux ou trois musiciens de la formation The Tangent. Alors, Damanek et la pièce Dark Sun, c'est tiré de leur premier album qui est paru il y a quelques semaines. L'album s'intitule On Track et ça a été précédé de Satellite de Pologne et la pièce The Evening Wind, et ça c'est tiré de A Street Between Sunrise and Sunset, ça c'est paru en 2003. Après la pause, nous aurons Amarok de Pologne, See the Mind de Montréal et Alain Simon de France. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on est rendu au troisième bloc de l'émission et on vous propose trois groupes. Le premier, c'est Amarok, un groupe de Pologne. En fait, c'est un musicien multi-instrumentiste du nom de Michael Wojtas et qui a quatre albums actifs, à son actif, c'est-à-dire. Et puis, c'est un musicien qui s'entoure d'artistes invités. Puis sur Hunt, son plus récent, on a Colin Bass de Camel, et, entre autres, et Marius Duda de Riverside et Lunatic Soul. Alors, on va entendre une pièce de cet album-là. Et ça sera suivi d'un nouveau groupe montréalais du nom de See the Mind. Ça s'appelle CYDEMIND. C'est un groupe qu'on a fait jouer à l'émission il y a quelques semaines et on reprend ça aujourd'hui avec un extrait d'une longue pièce. En fait, c'est la pièce titre de l'album. L'album s'intitule Erosion ou Érosion pour la consonance française. Et je vais proposer un extrait de cette pièce-là. Et on va conclure avec un français qui, lui aussi, est un multi-instrumentiste qui est dans la mouvance de Camel, à peu près. Et il a cinq albums, dont le plus récent, qui s'intitule Excalibur 4. Et je vous propose la pièce The Wings of the Dragon. Alors, on débute ça avec Amarok. Distortion inside your soul. your soul. Thank you. des hommes venus. La légende situe dans un dernier corps à corps. Les vivants bercent le monde. Le temps des hommes est venu et la légende situe dans un dernier corps à corps, les vivants bercent les morts. Je rêve des fois venus on your mind, rock the day. Je rêve des fois venus. C'était Alan Simon de France et la pièce « The Wings of the Dragon ». Ça, c'était extrait de Excalibur 4, donc le quatrième, c'est un concept là, autour de Excalibur, c'est de, ça date là, de la Renaissance, je crois, et le roi Arthur, si je me souviens bien. Alors, ça a été précédé de Side of Mine, un groupe de Montréal, et un extrait de la pièce-titre de l'album Érosion qui est paru il y a quelques mois déjà. Et en début de bloc, nous avions la formation polonaise Amarok et la pièce Distorted Soul tirée de Hunt, son plus récent album. Alors, après la pause, nous aurons Bijoux d'Espagne, Anubis d'Australie et Crazy World de Finlande. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous sommes déjà rendus au dernier bloc de cette première émission de l'année 2018 et on va débuter ça avec une formation d'Espagne que j'ai découverte récemment. C'est un groupe qui a paru un seul album en 2005. L'album s'intitule El Profeta et je vous propose un extrait. Ça sera suivi de Anubis qui nous vient d'Australie. Et qu'ils ont fait paraître il y a quelques semaines de Second Hand. Ça, c'est leur quatrième album studio. C'est un groupe qui existe quand même depuis 2009, près de 8 ans. Et en fin de bloc, nous aurons une formation de la Finlande. C'est pas très connu de ce côté-ci de l'Atlantique. Ils ont seulement 2 albums à leur actif, un en 2005 et un en 2012. Et l'album homonyme Crazy World de 2005 nous servira de tremplin pour faire une petite connaissance avec ce groupe-là. Et ça va terminer l'émission. Alors, on débute ça avec Bijoux. trading cases after the subject of an FBI investigation. Mr. Osborne Fox and his media organizations have been recently under investigation for a number of corporate misdemeanors. This is about a man who has, over the decades, perhaps promoted the wars that have killed hundreds of thousands, sometimes millions of people. It's a corporate psychopath. The overall case, by far, is probably the biggest insider trading prosecution ever. There will be other people and other organizations come along to take his place quite quickly. It's a well-known fact that Osborne Fox and indeed GMG had a number of powerful adversaries as well as acquaintances. Faces a maximum of 105 years in prison and millions in fines. The staff have been indicted and his former accountant pleaded guilty and are cooperating with prosecutors. A lot of lawsuits still on the books. Employees of Lexington Oil have had to endure weeks of speculation. Daily headlines charting the fall of a once powerful business empire. Were I to pull, a lot of very important people will be coming down with me. We'll be right back. Alors, ça nous venait de Finlande et c'est le groupe Crazy World et on a entendu la pièce Sweet Little Ugly Duckling et c'est extrait de l'album du même nom, en fait l'album homonyme, Crazy World. Et auparavant, nous avions Anubis d'Australie et la pièce Pages of Stone, c'est tiré de leur plus récent album The Second Hand. Et en début de bloc, nous avions Bijoux d'Espagne et la pièce Los Albores del Fuego Imperiquedero, et c'est extrait de El Profeta. Alors, c'est tout pour cette semaine. Et avant de terminer, bien, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de midi, c'est-à-dire de 10h à midi, et les mardis de midi à 14h, toujours sur les ondes du FM Cifou à Trois-Rivières, le 89.1. Et de plus, l'émission est disponible sur Internet via SoundCloud. Vous n'avez qu'à taper « Rock de neurones » dans la barre de recherche de SoundCloud pour y accéder. Et si vous désirez connaître les détails concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, bien vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de neurones. Et de plus, sur cette page, vous aurez un lien qui vous amènera à plus d'une centaine d'émissions archivées. Et tout ça avec du bon rock progressif. Et je vous souhaite en passant une très bonne année 2018. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous invite à passer une belle semaine et à nous revenir la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de neurones.